À l'occasion du 25e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, du 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée, et du 99e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, ont eu lieu des meetings, séminaires, conférences, expositions de livres et de photos et séances de films en Bulgarie, en Suisse, en Suède et en Tanzanie. Y étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et tableaux de peinture où se trouvent ensemble les grands leaders. Y étaient également exhibées des photos sur la vie révolutionnaire sacrée et les exploits du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il et sur les activités révolutionnaires du dirigeant suprême Kim Jong-un, ainsi que des œuvres classiques des grands hommes pectosan sans égal, des livres et des photos montrant les succès du peuple coréen pour l'édification d'une puissance économique. Dans les séances de films, on a projeté les documentaires coréens montrant les exploits du maréchal Kim Jong-un qui a manifesté dans le monde la dignité et la puissance de la Corée du Tse et formé l'armée populaire en défenseur de la patrie et créateur du bonheur du peuple. Dans les cérémonies, on prit part les personnalités de différents milieux et les habitants des pays hôtes. Aux cérémonies tenues en Bulgarie, en Suisse et en Suède, les participants ont adopté les messages de félicitations à l'adresse du dirigeant suprême Kim Jong-un.